ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?